album en fin dans les bacs. Une thérapie, un film d'action. La bande son baisse des kilowatts. Boycotté. Année 90. Guerre à l'édifice. Tant de feuilles cramées. Une blanche en espérant sortir un disque, un poisson. Seul dans son bocal, tourne en rond. Une fois en mer, rejoint son banc et mort à l'hameçon. On comptait, puis les saisons perdaient. Presque la raison, pas le genre de la maison. Baisser les bras ou de baiser la mission. Si je crève demain, qui touchera mes royalties? Si je vis pour l'argent, je l'emporterai pas au paradis. J'ai toute une Samsung de textes explosifs. Passer les douanes du business, on fera sauter les barrages de la musique. La clinique, la clinique. Cercle de feu, le papillon pour 99. La rage dans les yeux, alors j'avance. Honneur au mien, une bise à toutes nos familles. Les paroles font place aux actes, les mots sont fait swing. Elle est intime. On avance, on suit la zic, ensuite tenir le terrain. Les pieds sur terre, petit à toi, construire ton lendemain. On avance, on reste dans les mêmes. Un bloc uni à toute épreuve de force. Et quand les choses se corsent, on canalise nos forces. On avance, c'est la guérilla, on s'organise une bouffée d'ailleurs. Protège les murs du fort à la mort. Années passent, cousin, basses violentes. On s'alimente, les messes basses se font. Moi j'arrose la fleur du destin. De l'encre sur les mains, musique des chiens, rien ne tombe du ciel. Alors en attendant demain, on avance. Cette année faut que ça pète, on est dans la fosse. Tous dans le même business, à ronger le même os. Dieu de la vieille ou pas, je m'en fous, je fais mon taf. Et alors, si je m'en sors, c'est pour l'amour de ma famille. À la vie, à la mort, j'ai des mains faites pour l'or. Et elles sont dans la merde. Et si on fait ce que d'or, attends-toi juste un sourire aux lèvres. Rêve évasion, y'a pas que la fumée qui m'encrasse les poumons. On fait passer le sky, une autre façon de ne pas soupir là. On avance, tant attendu par les gosses de Tika. Ma seule raison de rester les pieds sur le terrain. Ils y croient, ce disque est pour vous. Le bébé a enfin montré sa tête. On reste droit, on reste droit. On avance, on suit la zic, ensuite tenir le terrain. Les pieds sur terre, petit à toi, construire ton lendemain. On avance, on reste dans les mêmes. Un bloc uni à toute épreuve de force. Et quand les choses se corsent, on canalise nos forces. On avance, c'est la guérilla, on s'organise une bouffée d'ailleurs. Protège les murs du fort à la mort Ave Maria. On avance. Je manque pas, de là-haut renseigne-toi. Ici c'est le bloc, non? Pas un groupe de chiffres et ça je l'enseigne pas. A plus de 20 piges, les coups foireux ne manquent pas. Des bâtons dans les rouages et avant l'âge, on voit vite rouge les fois. Où la chance paraît, voilà, saisir on le fait. On avait disparu, pas mis à la rue, non? Pour mieux se préparer, on fait suer les plumes, souille du papier. D'un seul bloc dans l'adversité, comme les petites massités contre les grands. C'est difficile, obstacle, on gagne du terrain. Restons terre à terre, on se laissera pas baiser, on leur brisera les reins. Y'a de la concurrence, on sait que c'est la jungle. Faut cesser de jeindre, on en refera kiffer, on le sait. Je reste humble, j'avance pour les miens. C'est comme à l'époque, chaque jour on serre les dents et poings. Et putain, ce qu'on veut c'est le jackpot. C'est une vie de guerrier, le big, l'arme de poing. Je m'en plains pas, je dépends le quotidien. Ça urgeait, fallait foncer, ça fait commencer. On avance, on suit la zic, ensuite tenir le terrain. Les pieds sur terre, petit à toi, construire ton lendemain. On avance, on reste dans les mêmes. Un bloc uni à toute épreuve de force. Et quand les choses se corsent, on canalise nos forces. On avance, c'est la guérilla, on s'organise une bouffée d'ailleurs. Protège les murs du fort à la mort Ave Maria. On avance. Malgré ce système et ses interdits. On est tous en quête de quelque chose. J'ai toujours su qu'ensemble on pouvait faire de belles choses. 99, on explose.